Tout commence par une rencontre évidente. Confidence, une passion née de vidance et de valeur. Confidence, avec nos rimes incandescentes qui illuminent. Conscience, entre le fait que tu fasses du bruit et qu'on respecte ton silence. Conscience, on n'a pas choix, faut qu'on se lance. Check, c'est pas la gloire qu'on récoltera en consolant le chef. Notre insolence gêne, mais tu peux pas nier que la sonne en jette un froid quand tu fais le show. T'as mis quel choc, du coup ton sang gêne. On enchaîne, quand on a le blues déconne. Nos gens chers nous soutiennent. S'en achète plus et comme depuis la cour d'école. Nos chants germent de plus à plus, c'est comme on s'obstine à y voir clair. Il reste flou ce décor. C'est quand les doutes débordent qu'on touche le fond. Qu'on y épouse ses formes. Cauchemar de fou dévore nos rêves. Divorce du coup de l'effort. On tous étouffe, suffoque. Chaque membre du crew le supporte. On ravale nos fiertés. Demande à Seigneur Lino. La team est complétée. Un mystère calife au micro. On ravale nos fiertés. Demande à Seigneur Lino. La team est complétée. Mystère et calife au micro. La connexion est évidente, écoute, elle coule de source. C'est fait facile, sans hésitation. Même à distance, c'est en fuitant que l'écoute se soude. Des frères faciles, sans faire citation. Étoile filant qui s'effrite en route et te coupe le souffle. On prend racine en lévitation. Pas de discours de sourd comme quand les pousses te saoulent. On vient d'Axie à l'invitation. On ravale nos fiertés. Demande à Seigneur Lino. L'intime est complétée. Par mystère calife au micro. On ravale nos fiertés. Demande à Seigneur Lino. La team est complétée. Mystère et calife au micro. La connexion est évidente, écoute, elle coule de source. C'est fait facile, sans hésitation. Même à distance, c'est en fuitant que l'écoute se soude. Des frères faciles, sans faire citation. Étoile filant qui s'effrite en route et te coupe le souffle. On prend racine en lévitation. Pas de discours de sourd comme quand les pousses te saoulent. On vient d'Axie à l'invitation.